Les 5 heures du mat, on va pas faire la fermeture des portes. On a de la route, en plus on est tous pipés comme des porcs. Affalés comme des morts, sur les canapes, soirée en boîte, bien arrosée. De nos bouteilles, reste que les cadavres. On a frotté des boules cool et bluffé trop de miss. Pendant que d'autres jouent les grossistes, à lâcher des gros bifs. On a squatté la piste, on s'est tapé des barres. C'est toutes les go qu'on terrorise, dès que l'équipe débarque. Les frères, allez on se barre, passe-moi les clés du fer. T'es trop fonce-car et le tétard a même pas son hyper. Laisse-moi pilote, moi je suis bien, on va rouler pépère. On est typard, je démarre la tire. Bismillah, je passe la première. Charge du parking de la te bois, je croise une gaufre de Schmitt, ça passe, une calcul app. Heureusement sinon j'aurais foudroyé l'alcool test. En plus de ça, je me serais fait sauter les points qui me restent. Bref, on est chez nous dans une petite demi-heure. Et je vois cette bécane qui bombarde dans le rétroviseur. Elle va derrière moi, roule en plein phare, mais bloué, je panique. Je sais pas pourquoi, parce que moi je ralentis. Les sabrutis des boîtes, veut me doubler sur la droite. J'ai les mains moites et le motard arrive à toute patate. Putain, je suis en train de perdre le contrôle de l'engin. J'ai eu comme un flash, et soudain. Quand la mort frappe, on ne s'y attend pas. Quand elle arrive, elle ne prévient pas. L'endroit et le moment ne le choisit pas. Nos destinées se croisent ici et ça ne s'explique pas. Quand la mort frappe, on ne s'y attend pas. Quand elle arrive, elle ne prévient pas. L'endroit et le moment ne le choisit pas. Nos vies se sont éteintes ici, sur cette intersection. Ce matin-là, le ciel est gris. Ma tête est prise, les cris de la veille me font lever en état de crise. Prise de tête avec ma meuf de mon blême, v'là la source. Elle s'inquiète et ne veut pas que j'aille à cette course. Hey, écoute, ton chantage est de trop. Ne me demande pas de choisir entre toi et ma monton. Arrête tes pressions, cesse de me stresser. Tu sais que c'est ma passion, à plus je suis pressé. À la bourre, tarde d'arriver à l'heure. J'ai rattrapé mon retard à coup d'accélérateur. La moto est puissante, la chaussée est glissante. Ralentir serait une proposition indécente. Les arbres défilent plus loin dans ma direction. Voiture à vive allure, je suis perdu dans mes pensées. Je file tout droit au niveau de l'intersection. Soudain celle-ci pile alors que j'arrive élancé. Là je déboîte pour éviter le chauffard. J'ai saisi les freins mais il était trop tard. Frappe, on ne s'y attend pas. Quand elle arrive, elle ne prévient pas. L'endroit et le moment ne le choisit pas. Nos destinées se croisent ici et ça ne s'explique pas. Quand la mort frappe, on ne s'y attend pas. Quand elle arrive, elle ne prévient pas. L'endroit et le moment ne le choisit pas. Nos vies se sont éteintes ici, sur cette intersection. Ce jour-là, je quittais mon boulot pour la dernière fois. Vu que ces enfoirés venaient de me licencier, j'ai déjà un tas de problèmes sur le dos. Ils se foutent de ça, de mes dettes et de mes blèmes de huissier. Que vais-je dire à ma femme? On est déjà dans la merde, elle en a marre de cette odeur. Lui annoncer, c'est le drame. Elle a dit je prendrai les gants, je partirai si je retourne au resto du cœur. J'arrive sur le palier, j'ai une boule dans le ventre. J'essaye de trouver un sourire et puis je rentre. L'appartement est vide et ils ne sont plus là. Juste un mot laissé à terre qui dit on s'en va. On part chez ma mère, on s'en sortira pas. On n'a plus rien, on nous expulse à la fin du mois. J'espère sincèrement que tu me comprendras. Je n'ai pas d'autre alternative, je n'ai pas le choix. J'ai pris la voiture, je voulais lui parler. La rattraper, lui dire que tout pouvait s'arranger. Je ne sais plus à combien je roulais. Je voyais ma vie comme les lumières qui défilaient. Notre mariage, la naissance des petits. Ce bonheur que votre système a repris. Dehors il fait gris sur mon visage, il pleut. Les yeux noyés par les larmes, je n'ai plus voir ce sang. Quand la mort frappe, on ne s'y attend pas. Quand elle arrive, elle ne prévient pas. L'endroit et le moment ne le choisit pas. Nos destinées se croisent ici et ça ne s'explique pas. Quand la mort frappe, on ne s'y attend pas. Quand elle arrive, elle ne prévient pas. L'endroit et le moment ne le choisit pas. Nos vies se sont éteintes ici, sur cette intersection.